بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس الثامن وسبعين 78e leçon. Toujours dans ce qui touche à la sira sur les sahaba. Je précise et je rappelle une fois de plus qu'il y a beaucoup de questions que je passe car il va citer beaucoup de sahaba. D'accord, et on ne peut pas tous les citer, ils étaient extrêmement nombreux. Et des fois, quand ils citent le dalil également, ce sont des hadiths qui sont assez longs. Donc on va se contenter de citer les noms, la question, et si le hadith il est court, on cite le shahid du hadith, et on citera les principaux sahaba, ceux qui étaient les plus connus. Non. Et quant à ceux qui veulent connaître plus sur le sahaba, il y a plein de livres qui ont été écrits sur le sujet, bien sûr ce sont des livres en arabe. فَقَالَ فِي السُّؤَلِ الثَّانِي وَعِشْرِينَ بَعْدَ خَمْسُمِيَا مَنْ هُمْ السَّحَابِيَّانَ اللَّذَانِ بَعَثَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ. Qui sont les deux compagnons qui ont été envoyés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au Yémen, c'est-à-dire pour faire da'wah, parce qu'à l'époque c'était les gens du livre. Donc c'est Abu Musa al-Ash'ari, qui lui-même est yéménite à la base, et Mu'az ibn Jabal. Comme dans le hadith Abu Musa, قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثه معاذا إلى اليمن فقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطوع ولا تختلف متفق عليه. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Musa, lorsqu'il l'a envoyé avec Mu'az, il a dit facilitez et ne rendez pas les choses difficiles. Et annoncez et ne faites pas fuir. Et accordez-vous et ne vous divisez pas. Donc là, c'est une chose qui est très importante à prendre en compte dans la da'wah. De faciliter aux gens, de leur faire les bonnes annonces. Et également que les prédicateurs s'unissent, bien évidemment, sur la vérité, ils évitent toute forme de divergence. Fouma qala fi soual al-thalith wa 20 ba'd 500. 523e question. يقول من هو الأعمى الذي لم يذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته؟ Qui est ce compagnon qui était aveugle à qui le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas autorisé de faire salat dans sa maison? Et c'est Ibn Maktoum qui était l'un de ses muazzinin. Car il était fort, il était en mesure de pouvoir se rendre au masjid malgré le fait qu'il était aveugle. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, qu'un homme aveugle s'est rendu auprès du prophète صلى الله عليه وسلم, donc c'est Ibn Maktoum. Il a dit que j'ai des personnes qui me conduisent pour aller au masjid. Donc, quand on dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait qui lui autorise de pouvoir faire ça dans sa maison. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a autorisé. Falamma walla, lorsqu'il s'en est retourné, da'ahu faqala, hel tastati'u, hel tasma'u nida bi salah? Qala na'am, qala fa'ajib. Wa fi riwaya, fa'la ajidalaka rukhsah. Donc, lorsque ce compagnon Ibn Maktoum a voulu repartir, après avoir l'autorisation, le Nabi Salam lui a dit « Est-ce que tu entends la zan de la salat ?» Il dit « Oui ». Il dit « Alors tu dois répondre ». Dans une version, il dit « Je ne te trouve pas d'excuses ». Donc là, ça démontre bien encore une masala qui est importante, qui est que la zan, s'il est entendu, la salat devient obligatoire. Et les ulama, ils expliquent par rapport aux pays où il n'y a pas la zan, comme la France, ou les Alika, comment agir. Ils disent qu'il faut évaluer la distance entre la maison et le masjid, par laquelle un azan naturel, c'est-à-dire d'une voix normale sans micro, se ferait entendre. Et si de là tu habites dans cette distance-là, alors tu dois répondre à la salat. D'accord ? La chose est estimée par une voix humaine sans micro. Donc ça va une portée, je ne sais pas, ça dépend. Allah alam. C'est certains disent un kilomètre, parce que c'est vrai que dans des endroits, avec le vent, et lorsque les lieux sont vides, la voix peut porter très très très loin. Et ça dépend de la voix aussi du muazzin. T'en as, ils ont des voix très fortes, d'autres moins fortes, ainsi de suite. T'en as, ils disent 500 mètres. T'en as, ils disent, alors ça dépend. C'est une évaluation à faire. Et également, c'est une chose qui démontre l'importance de cette azan. L'importance de l'azan. Thumma qala fi suwal arabia wal 20 ba'd 500. 524e question. Man huwa al-a'ma alladhi athna lahu النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته. Qui est maintenant l'aveugle à qui le Nabi صلى الله عليه وسلم a autorisé de faire salat dans sa maison. Donc c'est comme on disait dans l'autre audio différent, que les cas que le Nabi صلى الله عليه وسلم peut avoir des paroles différentes en fonction des individus. Que pour Ibn Maktoum, il lui a pas autorisé de faire salat chez lui, qu'elle était en mesure de se rendre au masjid, d'accord, qu'elle a entendu la zen. Et lui, celui dont tu vas parler maintenant, qui est Utbah ibn Malik, lui par contre est plus faible. Et ne pouvait pas... et ne pouvait pas se rendre au masjid. Donc lui, il a été autorisé. Il a été excusé pour cela. Hatta, qala lahu, salliya sallallahu fi bayti, makana attakhizu musalla. Donc il a demandé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam de venir chez lui, de faire salat dans un lieu que lui prendra comme une salat pour lui. Et après, il a fait la salat à l'endroit qu'il lui a indiqué, et il a fait salat là. Non. ثم قال في السؤال الخامس والعشرين بعد 525 question من هو الأعمى الذي نزل فيه قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى qui est l'homme aveugle sur qui est descendu la parole d'Allah dans le sens où il dit qu'il s'est renfourgné et s'est détourné lorsque l'aveugle lui est venu surat Abasa et c'est justement c'est Ibn Maktoum également d'accord comme dans le tafasir ça a été expliqué que c'était lui qu'il est venu pour se rendre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui était occupé avec le notable de Quraysh, dont il espérait la conversion à l'islam. Donc il s'est détourné de Ibn Maktoum pour se consacrer à ces gens-là. Et de là, Allah Azzawajal, par rapport à cela, l'a rectifié, nous montrant que la décision qu'il avait prise, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas correcte. Et que Ibn Maktoum était plus en droit de se faire écouter que ces gens-là, car lui, il venait pour réceptif à l'islam, alors que eux, le refusait. ثم قال في السؤال السادس والعشرين بعد 500 ça c'est la 26e question. يقول من هو الزعيم المنافقين qui est le leader, le chef des munafiqin. Maintenant les munafiqun ce ne sont pas des sahaba, mais en apparent on leur donne le jugement car ils ont accompagné le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, mais non, ils ne croyaient pas en lui. Mais ils étaient mélangés à eux. Donc c'est pour ça que l'auteur le cite là actuellement, mais ce ne sont pas des sahaba car ils ne sont pas morts sur l'Iman. Et voilà. Non. Donc le plus grand des munafiqin, c'est Abdullah ibn Ubay ibn Salul. ثم قال في السؤال الثامن وعشرين بعد 528e question. من هو زوج أكبر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني زينب رضي الله عنها. Donc qui est le mari de la plus grande des filles du prophète صلى الله عليه وسلم qui était Zainab. Et c'était Abu al-As ibn Rabi'a. Abu al-As ibn Rabi'a. ثم قال في السؤال التاسع وعشرين بعد 500 من هي التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة qui est celle que le prophète صلى الله عليه وسلم portait sur lui alors qu'il faisait la salat, c'est-à-dire un bébé. Et là c'était Umama bint Abi al-As ibn Rabi'a. Donc c'était justement la fille de Zainab et de Abu al-As. Comme dans le hadith de Abu Qatada al-Ansari, an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yusalli wa huwa hamilun Umama bint Zainab bint Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa li Abi al-As ibn Rabi'a ibn Abd al-Shams fa idha sajada wada'a wa idha qama hamalaha muttafaqun alayhi. Qui disait que justement le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait la salat en portant justement Umama qui était sa petite fille. Et lorsqu'il se prosternait, il la posait, et lorsqu'il se levait, il la portait. Qui prouve l'autorisation de porter un enfant dans la salat. Et de là, certains ulama se servent de ce hadith-là pour dire que même si il a une najasa sur lui, la salat peut être permise car il y a de fortes probabilités que Umama avait sur elle peut-être de l'urine ou autre chose, des excréments, des besoins qu'elle aurait pu avoir fait. Donc des ulama disent par là, celui qui a des najasa qui ne sont pas de lui, mais qui sont portés à part, d'accord, que ce salat peut être valide quand même, dans certains cas. Et ça monte à grand rahma du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Thumma qala fi al-su'al Naam. Fi al-su'al al-thalathin ba'd 500. 530e question. من هو الذي قال عند موته ما كنت أطيق أن أملأ عيني أو عيني منه إجلالا له يعني النبي صلى الله عليه وسلم qui est le compagnon qui a dit lors de sa mort je ne pouvais supporter de le regarder c'est-à-dire tant j'avais de la révérence pour lui et du respect pour lui il avait dit il ne pouvait pas le regarder en face c'est-à-dire il ne pouvait pas regarder le prophète صلى الله عليه وسلم en face et ça c'est Amr ibn al-As Amr ibn al-As نعم كما جاء في حديث مسلم هذا الذي أردنا اليوم ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين